إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، après une assez longue coupure, on reprend aujourd'hui, inshallah ta'ala, la série intitulée « Les étapes de l'au-delà ». Nous avions, durant les cours précédents, qui sont à la disposition de chacun et chacune, que ce soit dans le site La Voix Droite ou via l'application mobile, différents cours dans lesquels nous avions traité tout d'abord de l'importance de la croyance en l'au-delà, l'importance de la croyance au jour dernier. Nous avions ensuite parlé de la première étape de l'au-delà qui est la tombe. Nous avions expliqué les tentations de la tombe, le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, les causes qui amènent la personne à subir des châtiments, wal'iyadhu billah, dans la tombe, comme la médisance, le mensonge, la fornication, l'usure et d'autres péchés que l'on avait détaillés à l'époque. Nous avions ensuite parlé de la résurrection et du souffle dans la trompe, le premier souffle ainsi que le deuxième. Nous avions parlé du premier qui sera ressuscité, à savoir notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nous avions expliqué également de quelle façon les gens seront ressuscités en fonction des actions qu'ils auront accomplies dans cette vie d'ici-bas. Nous avions ensuite parlé du rassemblement et la façon dans laquelle les gens seront rassemblés. Ils seront nus, ils seront dévêtus, ils seront incirconcis. Nous avions décrit également cette terre du rassemblement. Nous avons ensuite parlé des tourments du jour dernier. Le jour dernier, la terre sera pulvérisée, les montagnes seront réduites en poussière, les mers s'enflammeront, le ciel se déchirera et tourbillonnera. Allah subhanahu wa ta'ala saisira la terre et pliera les cieux comme l'on plie le rouleau des livres. Le soleil ce jour-là s'assombrira, la lune s'éclipsera et les étoiles se disperseront. Nous avons ensuite parlé de la situation des gens le jour du jugement, la situation de ceux qui n'auront pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, la situation des musulmans qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons également parlé de la situation des croyants pieux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Aujourd'hui, nous continuons cette série et nous parlons d'un sujet extrêmement important qui fait partie des étapes de l'au-delà, à savoir al-shafa'a, qui est l'intercession. Al-shafa'a, dans son sens linguistique, signifie le père, père, P-A-I-R, le contraire de al-witr en arabe, de l'impair, c'est-à-dire une chose qui s'ajoute à son semblable. C'est son sens dans la langue arabe, son sens linguistique. Quant à son sens qui est voulu dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'interférer en faveur d'autrui. Le fait qu'une personne interfère en faveur d'une autre personne afin d'apporter un bien à celle-ci ou de repousser d'elle un mal. Et nous allons traiter ce sujet de al-shafa'a et nous allons voir quels sont ces différents types, et notamment le premier de ces types de résurrection qui est ce type d'intercession, pardon, dont la première est l'intercession suprême, celle qui aura lieu lors du rassemblement. Ainsi, les gens seront réunis dans la terre du rassemblement. Et nous avons vu précédemment que l'ensemble des personnes, l'ensemble des êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, seront rassemblés dans une seule et unique terre, une terre plane. Et ce jour-là, le soleil se rapprochera des personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le soleil se rapprochera d'une distance appelée Al-Mil. Et les savants de l'islam ont donné deux explications à ce terme « mil ». Il veut dire soit la portée de la vue. La portée de la vue, c'est-à-dire lorsque l'on voit au plus loin devant nous, à l'horizon. Et cette distance, elle est d'à peu près, comme le disent les savants, de 40 000 coudées. 40 000 coudées, ce qui correspond à peu près une quinzaine de kilomètres. Une quinzaine de kilomètres. Une coudée faisant à peu près entre 40 et 50 centimètres. Vous multipliez par 40 000 et vous tomberez sur à peu près une quinzaine, 15-16 kilomètres. Et cela a aussi le sens de Al-Mil, c'est-à-dire ce bâtonnet qu'on utilise pour colorer les paupières à l'aide de ce qu'on appelle Al-Kuhl, qui est cette poudre qui peut être de différentes couleurs. Celle la plus connue est la couleur noire, mais il y a aussi d'autres couleurs comme Al-Ithmid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à l'utiliser. Alaykum bil-Ithmid fa innahu yajlu al-basar. Utilisez Al-Ithmid car il renforce la vue. Et Al-Ithmid, qui est beaucoup connu notamment au Yémen, est de couleur rougeâtre. C'est la taille de ce bâtonnet. Ce bâtonnet est petit. Il doit faire une dizaine de centimètres à peu près. Le soleil sera extrêmement proche des gens le jour du jugement. Et cela les fera transpirer. Certains pourraient dire, le soleil est aujourd'hui à des millions de kilomètres et nous ressentons la forte chaleur en été notamment. Un soleil à 15 kilomètres ou à 10 centimètres des personnes les carbonisera entièrement. Disons que nous parlons ici de l'au-delà. Cela fait partie de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le soleil qui peut brûler à des millions de kilomètres et également celui qui rapprochera subhanahu wa ta'ala le soleil des gens à une distance extrêmement petite sans que celui-ci ne les brûle. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et rien ne lui est impossible. Et les gens transpireront en fonction des œuvres qu'ils auront accomplies dans cette vie d'ici-bas. Ils seront dans cette terre de rassemblement et ils seront pleins de chagrin, angoissés, complètement dépités et tracassés par leur devenir. Et le jour du jugement a une durée de 50 000 ans. Les personnes rassemblées dans cette terre du rassemblement ne supporteront plus cette attente, dans cet état d'angoisse, et ils demanderont et chercheront qui pourra intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de les soulager de cette situation intenable dans laquelle ils se trouvent. Ils chercheront les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, iront les voir et leur demanderont d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Et quel sera le sujet et la demande de cette intercession? Ils intercéderont, ils demanderont aux prophètes d'intercéder en leur faveur uniquement pour que le jugement puisse commencer. Et pour que cette attente insupportable s'arrête et que Allah subhanahu wa ta'ala puisse venir afin de juger entre ses serviteurs. Dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu an, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette situation en disant que les gens seront réunis, qu'Allah azawajal réunira les gens le jour du jugement, et ils accorderont une attention particulière à demander l'intercession. Les gens commenceront donc à chercher et à demander. Et ils passeront en revue les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala les uns après les autres. Ils feront les éloges de ces prophètes et citeront les particularités qu'ils ont et qu'ils avaient et qui leur ont été accordées et qui prouvent leur proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils demanderont à ces prophètes d'intercéder en leur faveur afin de les soulager de ses tourments et de ses angoisses, mais surtout de cette attente interminable. Et nous devons nous imaginer cette situation, mes frères et sœurs. Imaginez que l'ensemble de l'humanité soit réunie dans un seul et même endroit. Lorsque l'on voit parfois des foules immenses qui se comptent par centaines de milliers, voire par millions, imaginez une foule de plusieurs milliards ou milliers de milliards de personnes qui sont réunies dans un seul et même endroit. Nous sommes actuellement entre 5 et 6 milliards d'êtres humains sur Terre. D'ici 120 années, à peu près, toute personne vivante aujourd'hui sera sous Terre. Et les 5 ou 6 ou 10 milliards de personnes qui seront vivantes dans 120 ans seront d'autres personnes. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fait succéder les êtres humains les uns après les autres. Imaginez donc cette foule inimaginable qui se réunira dans une seule et unique terre, qui sera plate, chacun sera dévêtu, nu, incirconcis, chacun sera angoissé et ne pensera qu'à sa personne. Aucun n'acceptera qu'on lui soumette une demande. Nous ne nous soucierons que de nos propres personnes, peu importe les autres, qu'ils soient ton père, ta mère, tes enfants, ton épouse, peu importe. L'important, c'est que tu sauves ta personne ce jour-là. Imaginez-vous au milieu d'une foule aussi gigantesque, chacun tourmenté par ses propres soucis, certains ensevelis sous leur transpiration, et chacun recherchera le moyen de sauver sa propre personne. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous parle de ce moment et nous le décrit alayhi salatu wassalam. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte et dit: Utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman bilahm farufi'a ilayhi adh-dhira' wa kanat tu'jibuh fanahasa minha nahsah. L'on a apporté un jour au prophète alayhi salatu wassalam de la viande et on lui tendit une épaule, et le prophète alayhi salatu wassalam aimait l'épaule d'agneau ou de mouton. فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَهَ. Il en mangea une partie, alayhi salatu wassalam, puis a dit, en s'adressant à ses compagnons, radiyallahu anhum, et dans une autre version, ils étaient invités. أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Je serai le maître des hommes le jour du jugement. Et ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, est le maître des hommes. Il était le maître des hommes, alayhi salatu wassalam, de son vivant, et il le sera également le jour dernier. Ceci est une réalité que personne ne peut nier. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr » et je ne dis pas ça pour me vanter. « Wa hal tadruna bima dhak » et savez-vous pourquoi cela? Pourquoi je serai le maître des hommes le jour du jugement? يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. Allah réunira le jour du jugement les premiers et les derniers dans une seule et même terre. فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرِ De telle sorte que celui qui les appellera se fera entendre et les verra tous. C'est-à-dire que la terre du rassemblement sera une terre plane. De telle sorte que celui qui appellera les gens, tous entendront cet appel. Du premier au dernier. Et l'appeleur pourra les voir tous du premier au dernier. وَتَدْنُ الشَّمْسِ Le soleil se rapprochera. فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ Et les gens seront dans un tel degré d'angoisse. Ils seront tellement affligés par leur sort que cela sera pour eux insupportable. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ Et les gens se diront les uns aux autres أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم Les gens se diront les uns aux autres Ne voyez-vous pas la situation dans laquelle nous sommes Ne voyez-vous pas le degré d'angoisse que nous avons atteint Il faut trouver une personne qui puisse intercéder en notre faveur auprès d'Allah فيقول الناس فيقول بعض الناس لبعض أُؤْتُوا آدَمْ فَيَأْتُونَ آدَمْ Certains diront aux autres, allez voir Adam, عليه السلام. Ils iront voir Adam. فَيَقُولُونَ يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا Ils diront Ô Adam, tu es le père de l'humanité. Tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'est adressé à Iblis, ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي Ô Iblis, Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Allah t'a créé de sa main et il t'a insufflé de son souffle et il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? Ne vois-tu pas le degré d'angoisse que nous avons atteint? فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الله أكبر آدم عليه السلام répondra Mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant et comme jamais dans le futur وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته et il m'a interdit d'approcher l'arbre, mais je lui ai désobéi. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal lorsqu'il s'est adressé à Adam et Hawa, alayhim as-salam, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Et n'approchez pas cet arbre, car vous serez alors des injustes. Puis il dira, alayhi as-salam, نَفْسِي نَفْسِي Ma personne, ma personne. C'est-à-dire, ma personne a besoin d'intercession et j'espère que ma personne puisse être épargnée aujourd'hui. C'est la parole de Adam alayhi salam, un prophète d'Allah Azza wa Jal, celui qu'Allah Azza wa Jal a créé de ses mains, à qui Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges qui font partie de ses créatures les plus nobles de se prosterner devant lui. Adam alayhi salam, à qui Allah azza wa jalla a enseigné toutes choses, voilà ce qu'il dira le jour du jugement. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi. Idhabu ila Nuh, allez voir Nuh, Noé. Fayatuna Nuhan, fayaquluna ya Nuh, anta awwalur rusuli ila al-ard. Ils iront alors voir Nuh, Noé alayhi salam, et lui diront: Ya Nuh, anta awwalu ar-rusuli ila al-ard, wa sammaka Allahu 'abdan shakura, ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fihi? Ala tara ma qad balaghana? Ô Nuh, tu es le premier des envoyés d'Allah sur terre. Et Allah t'a appelé le serviteur reconnaissant. Et cela, Allah Azzawajal l'a dit dans sourate Al-Isra, sourate le voyage nocturne, où il dit subhanahu wa ta'ala: Dhurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan shakura. Ô descendants de ceux que nous avons transportés sur l'arche avec Nuh, soyez comme votre père qui était un serviteur très reconnaissant. Parlant de Nuh alayhi salam, intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons, et ne vois-tu pas ce degré d'angoisse et d'affliction que nous avons atteint? فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant et comme jamais par la suite. وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. Et j'avais le droit à une invocation exaucée. Et je l'ai utilisé pour invoquer contre mon peuple. Chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a accordé une invocation qui lui sera exaucée. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque prophète a hâté cette invocation. C'est-à-dire qu'il l'a utilisée de son vivant. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé qu'il a gardé cette invocation pour sa communauté le jour dernier. Puis Nuh, alayhi salam, dira « Nafsi, nafsi, ma personne », c'est-à-dire « J'espère que ma personne sera épargnée et c'est ma personne qui a besoin d'intercession. « Idhabu ila Ibrahim, allez chez Ibrahim, alayhi salam. « Fayatuna Ibrahim » فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. Ils diront: Ô Ibrahim, tu es l'envoyé d'Allah et tu es le bien-aimé d'Allah parmi les gens, parmi les habitants de la terre. واتخذ الله إبراهيم خليلا. Al-Khullah, c'est l'un des, si ce n'est le plus haut degré d'amour. Comme le disent certains savants, c'est un amour dont il n'y a pas de semblable dans un cœur. Et Ibrahim, alayhi salam, est le bien-aimé d'Allah, azza wa jal. Et ces bien-aimés d'Allah, azza wa jal, sont au nombre de deux, à savoir Ibrahim, alayhi salam, et notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et qui dit le bien-aimé d'Allah Azzawajal dit l'un des plus rapprochés de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azzawajal a fait les éloges d'Ibrahim en disant: Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim était une communauté à lui seul, alayhi salam. Tu es l'envoyé d'Allah et le bien-aimé d'Allah parmi les habitants de la terre. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant et comme jamais par la suite. وذكر كذباته. Puis il citera ses mensonges. Concernant ces mensonges dont parle Ibrahim alayhi salam, en réalité, ce ne sont pas des mensonges. C'est ce que les savants appellent « at-ta'arid ». Et ta'arid, ce sont des paroles qui sont utilisées et qui peuvent dire, qui peuvent vouloir dire plusieurs sens. Et concernant ces mensonges dont fait allusion Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a détaillés dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Le résumé du hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Ibrahim alayhi salam n'a menti que trois fois. La première, lorsqu'il a dit « Inni saqim », « Je suis malade ». Ceci, lorsque son peuple sont venus à lui pour qu'il les accompagne à l'une de leurs fêtes. Et Ibrahim alayhi salam s'est excusé en disant qu'il était malade. Et il avait l'intention de casser, de briser les idoles de son peuple ce jour de fête justement où les gens partaient. Et donc, ils quittaient les lieux dans lesquels ils habitaient. Et les savants ont dit que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a parlé de la maladie et que effectivement son cœur était malade en voyant l'adoration de son peuple à toutes ses idoles. Quant au deuxième mensonge et sa parole, alayhi salam, bal fa'alahu kabiruhum hadha, lorsqu'il a brisé et détruit ses idoles en ne laissant que la plus grande parmi elles. Lorsque son peuple sont revenus, ils lui ont demandé, comme Allah Azza wa Jal le relate, « أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ » Est-ce toi qui as fait cela à nos idoles et à nos divinités, ô Ibrahim ? Et il a répondu, alayhi salam, « بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا » C'est la plus grande des statues qui a fait cela. Il a voulu dire que c'est elle qui a causé toute cette destruction, car lorsqu'il a vu que toutes ces divinités, toutes ces statues étaient entourées, entouraient cette grande et que c'était elle qui était la plus vénérée, c'est ce qui a causé et c'est pour cela qu'il a détruit ces statues. Quant au troisième, lorsque Ibrahim alayhi salam s'est rendu en Égypte avec son épouse Sarah, ils se sont trouvés dans une terre qui était gouvernée par un tyran. Et il est parvenu à ce tyran qu'un homme est venu avec une femme qui fait partie des plus belles des femmes. Il a envoyé certains de ses émissaires demander à Ibrahim qui est celle-ci. Ibrahim a répondu, c'est ma sœur. Puis il est parti voir Sarah et lui a dit, ô Sarah, il n'y a sur terre comme croyant que toi et moi. Et un tel m'a demandé à ton sujet et je lui ai répondu que tu étais ma sœur. Ne dis pas autre que cela. Puis ce tyran a demandé à ce que Sarah vienne à lui. Lorsqu'elle est rentrée en sa présence, il a voulu la toucher de sa main. Fa'ukhidh, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été pris d'une crise. Il a été pris d'une crise et a dit à Sarah, invoque Allah en ma faveur et je ne te ferai aucun mal. Et Sarah a invoqué, comme cela est rapporté dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, elle a dit, oh Allah, si il meurt, ils diront que c'est elle qui l'a tué. Allahumma in yamut yaqulu hiya qatalatuhu. Allah Azza wa Jalla a exaucé l'invocation de Sarah et la crise s'est stoppée. Mais de par sa perversité, il a tenté une deuxième fois de toucher Sarah et une deuxième crise le prit plus forte que la première. Il a demandé une nouvelle fois à Sarah d'invoquer Allah en sa faveur et qui ne lui ferait aucun mal. Elle invoqua Allah, et cette crise se stoppa. Et il a tenté une troisième fois. Il a encore demandé à Sarah d'invoquer Allah en sa faveur. Puis, il a appelé certains de ses valets, en leur disant, « Vous ne m'avez pas apporté un être humain, mais plutôt un diable. Puis, il la laissait repartir. Et ceci est le troisième mensonge, entre guillemets, comme je dis, car ce n'est pas un mensonge, cela fait partie de At-Ta'arid. Pourquoi ? Car Ibrahim alayhi salam était le seul croyant ainsi que Sarah. Il n'y a sur terre de croyants que toi et moi. Et donc c'est sa sœur en islam, c'est sa sœur en religion. Et certains pourraient dire, mais Lut alayhi salam, qui était un prophète d'Allah et qui était un contemporain de Ibrahim alayhi salam, lui était croyant. Pourquoi Ibrahim alayhi salam a dit qu'il n'y a sur terre de croyants que toi et moi, que toi et moi? Les savants ont répondu par deux réponses. La première en disant que il a voulu par la terre dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire l'Égypte. Et l'autre, alayhi salam, à cette époque, n'était pas en Égypte. Et l'autre réponse qui peut être donnée est que Ibrahim et Sarah étaient le seul couple qui croyait en Allah Azza wa Jal. Or, Lot alayhi salam était un prophète d'Allah, mais sa femme n'a pas cru en lui. Et donc, cela ne sont pas en réalité des mensonges. On peut les appeler des mensonges car ils sont trompeurs. Mais en réalité, ce ne sont pas des mensonges. Ce sont des ta'arid. Et le mensonge, de façon générale, c'est un autre sujet, mais on ne va pas s'étaler dessus. Le mensonge, et ça va, on parlait du mensonge. Est-ce que le mensonge est interdit en soi ou est-ce que le mensonge est interdit vis-à-vis par rapport à ce qu'il engendre? Pour cela, que vous savez qu'il y a des exceptions dans le mensonge. On a le droit de mentir pour réconcilier entre deux personnes. Car ce mensonge apporte un bien. Un homme a le droit de mentir en faisant les éloges de son épouse. Et l'épouse a le droit de mentir en faisant les éloges de son mari, qu'elle n'a jamais vu d'homme aussi pieux que lui, elle n'a jamais vu d'homme aussi doux que lui, qu'il n'y a pas plus agréable comme époux sur terre que lui, dans le but d'entretenir l'affection et le lien du mariage. Le prophète Sassam l'a autorisé. Le prophète Sassam a autorisé le mensonge en temps de guerre pour ruser l'ennemi et lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies, soit dans le but de préserver l'intérêt des musulmans ou soit dans le but de causer des torts et de causer des dégâts plus grands à l'ennemi. Et également, le mensonge est autorisé dans des cas de force majeure, lorsqu'une personne te demande et qui veut porter atteinte à la vie d'autrui, en disant « où est un tel ?» Et toi, tu sais que cette personne va attenter à sa vie. Je ne sais pas où elle est, même si tu sais où elle est. À la kulli hal, le mensonge est interdit. Cela fait partie des grands péchés en islam. Mais il y a des exceptions. Et les savants ont dit, concernant ce troisième mensonge, entre guillemets, de Ibrahim, alayhi salam, et que Ibrahim, s'il avait dit que c'était son épouse, ce tyran n'aurait pas hésité soit à tuer Ibrahim, alayhi salam, pour s'accaparer son épouse, ou soit de l'obliger à la divorcer, Donc Ibrahim alayhi salam citera ces trois mensonges entre guillemets. Puis il dira Nafsi, Nafsi, ma personne, ma personne. Inna Rabbi, idhabu ila ghayri, idhabu ila Moussa. Allez voir autre que moi. Allez voir Moussa. Moïse. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا Ô Moïse, tu es un prophète d'Allah. Allah t'a privilégié par les enseignements qu'il t'a octroyés et par le fait qu'il t'ait adressé la parole. Wa kallama Allah Moussa taklima. Allah Azza wa Jal s'est adressé directement à Moussa alayhi salam. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur, ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? Fayaqulu lahum Musa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant et comme jamais par la suite. Inni qataltu nafsa wa lam umar bi qatliha. J'ai tué une âme alors qu'il ne m'a pas été commandé de le faire. Ici, cette âme que Moussa alayhi salam a tuée, il ne l'a pas tuée de façon volontaire, mais par erreur. Et ce qui l'a poussé à cela est le fait qu'il a voulu défendre celui de son peuple qui l'a appelé, un appel de détresse, afin de le secourir vis-à-vis de cet injuste qui était un copte. Et les coptes à l'époque prenaient ou considéraient les fils d'Israël comme des esclaves et leur causaient énormément de tort. Et ce copte faisait partie du peuple de Pharaon. Et Moussa alayhi salam faisait partie des fils d'Israël. Moussa alayhi salam est venu défendre celui qui faisait partie des siens et a donné à ce copte un coup de poing. Et cela a provoqué la mort de ce copte. Moussa alayhi salam est venu défendre une personne qui subissait une injustice. Moussa alayhi salam en aucun cas n'a voulu tuer cette âme, car un coup de poing en général ne tue pas. Donc, il a tué une âme certes, mais de façon involontaire et par erreur. Ceci, premièrement. Deuxièmement, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a cité que Moussa alayhi salam n'était pas prophète à ce moment-là. Et à cette époque, il est devenu prophète par la suite. Donc cette erreur qu'il a commise, alayhi salam, il ne l'a pas commise lorsqu'il était un prophète et envoyé d'Allah, alayhi salam. Et troisièmement, Allah Azza wa Jal nous cite la parole de Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a dit « Qala Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li » فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il a dit, ô mon Seigneur, j'ai causé du tort à moi-même, c'est-à-dire en tuant cette personne, en tuant cette âme par erreur. فَغْفِرْ لِي, pardonne-moi. فَغَفَرَ لَهُ, il lui a pardonné, car Allah est le grand pardonneur et le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un péché ou c'est une erreur qui lui a été pardonnée. Mais Moussa alayhi salam l'a cité et la citera à ces gens qui lui demanderont son intercession auprès d'Allah afin de s'excuser auprès d'eux. Et il leur dira, « Nafsi, nafsi, ma personne, idhabu ila Isa » فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. Ils iront voir Isa alayhi salam, Jésus, et lui diront, ô Isa, tu es l'envoyé d'Allah, tu t'es adressé aux gens dans ton berceau. Tu es la parole qu'il a inculquée en Maryam alayhi salam. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. Mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant et comme jamais par la suite, et il ne citera aucune erreur ni aucun péché. Mais il dira quand même « Nafsi, Nafsi, Allahu Akbar, ma personne, même Isa alayhi salam qui ne citera aucun péché, aura peur pour sa personne et considérera sa personne comme ayant besoin d'une intercession. » Il dira « Idhabu ila ghayri »« Allez voir autre que moi »« Idhabu ila Muhammad »« Allez voir Muhammad » alayhi salatu wassalam. Et cela nous montre la noblesse de notre prophète alayhi salatu wassalam. 5 prophètes parmi les plus illustres des prophètes d'Allah azawajal, les uns après les autres enverront vers les autres jusqu'à Isa alayhi salam, qui, malgré qu'il n'ait rien à se reprocher, considérera que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est le plus à même à demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. Ils viendront à moi, dit le prophète alayhi salatu wassalam, et ils diront: ô Muhammad, tu es l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et tes péchés futur, intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? Puis il dit alayhi salatu wassalam: فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي. Je partirai alors jusqu'à arriver en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis je tomberai prosterné. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. Puis il dit عليه الصلاة والسلام: puis Allah عز وجل m'inculquera des formules de louange et d'éloge qu'il n'a inculqué à personne avant moi. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. Puis il sera dit: ô Muhammad, relève ta tête, demande et ta demande sera exaucée. اشفع تشفع, intercède et ton intercession sera accordée. Puis il dit عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي, je relèverai ma tête, فأقول يا ربي أمتي أمتي, et je dirai: ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. Puis il sera dit: ô Muhammad, fais entrer au paradis de ta communauté ceux qui ne subiront aucun jugement, c'est-à-dire ces 70 000 dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah azza wa jal qu'il nous compte parmi eux, ceux qui rentreront au paradis sans jugement et sans adhab et sans châtiment. L'étape du jugement que l'on traitera par la suite, inshallah ta'ala, ces gens-là ne la traverseront pas. Ils iront directement au paradis. Ô Muhammad, fais entrer au paradis ceux de ta communauté pour qui il n'y a pas de jugement. Fais-les entrer par la porte droite des portes du paradis. et ils s'associeront aux gens dans les autres portes également. Puis il dit alayhi salatu wassalam, والذي نفس محمد بيده إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة وبصرة. Puis il dit عليه الصلاة والسلام, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, il y a entre les deux extrémités d'une porte, parmi les portes du paradis, la distance qu'il y a entre la Mecque et Hajar. Hajar ici dans ce hadith signifie Al-Bahrain au jour d'aujourd'hui. Ou, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme la Mecque et Bousra, qui est une ville en Syrie. Et la distance entre la Mecque et Hajar et Al-Bahrain, ou entre la Mecque et cette ville Bousra en Syrie, la distance est d'à peu près 1500 kilomètres. C'est la taille d'une porte du paradis. Entre les deux extrémités de la porte du paradis, d'une seule porte du paradis, il y a à peu près 1500 kilomètres. Que dire du paradis en soi? Que dire du premier degré du paradis? Que dire du dernier et du plus haut degré du paradis? Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est immense et qui nous montre à quel point l'angoisse sera terrible le jour du jugement, à quel point cette attente sera insupportable, à quel point les prophètes et les envoyés d'Allah azzawajal, qui sont les meilleures créatures d'Allah azzawajal, auront peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et se soucieront de leur personne également. Et l'on voit dans ce hadith que le maître des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le seul qui sera autorisé à accomplir cette intercession suprême le jour du jugement, le seul qui ira jusque dessous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se prosternera et qui utilisera cette invocation exaucée que lui a accordée, comme il l'a accordée aux autres prophètes, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé justement pour pouvoir l'utiliser ce jour-là, le jour où les gens en auront le plus besoin. On s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et l'on continuera à parler de l'intercession et de ces différentes formes durant le cours prochain, inshallah ta'ala. Sallallahu azza wa jalla an yufaqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna. On demande à Allah azza wa jalla de nous accorder la compréhension dans la religion et de nous enseigner ce que nous ignorons. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.